le métabolisme sonore. Il désigne une forme de stabilité dynamique du climat sonore. L'exemple le plus classique est celui du marché. Des sons innombrables de voix, de monnaie, de pas, de chocs ou de mille autres sources sonores ne cessent de se relayer pour émerger avec clarté et aussitôt disparaître dans le fond au profit d'autres émergences. Trois facteurs viennent qualifier ce métabolisme. La clarté compositionnelle, d'abord, va désigner la prégnance d'une structure sonore clairement identifiable. Quatre types de structures métaboliques peuvent être distingués. Des structures que l'on peut qualifier d'informelles, qui, malgré une évidente stabilité du climat sonore d'ensemble, sont caractérisées par une absence totale de repères. Ce sont des structures dans lesquelles on va facilement dire qu'il y a de la bouillie ou que c'est monotone. Des structures duales dans lesquelles un continuum, un fond ou une tonalité sonore jouent un rôle de support pour des événements émergents. Des situations dans lesquelles on a un rapport figure-fond qui est particulièrement clair. Des structures que nous appelons schizophoniques, dans lesquelles l'auditeur se situe exactement à la frontière entre deux espaces dont les climats sonores sont, eux, radicalement différents. Enfin, dernier type, des structures emboîtées qui sont caractérisées par une organisation claire de la matière sonore en niveau hiérarchique. Par exemple, les espaces de silence intérieur que l'on trouve dans certaines villes sont très souvent valorisés par l'emboîtement d'espaces sonores de nature et d'identité différentes. Deuxième facteur métabolique, la distinctibilité désigne cette fois la clarté des éléments de composition d'une séquence sonore et non plus la clarté de la composition. C'est à la lettre la façon dont les sons se distinguent, en un sens d'ailleurs autant sociologique et sémantique qu'acoustique. Et lorsque ce critère s'applique aux voix, il se rapproche de la notion d'intelligibilité qui est utilisée en psychoacoustique, bien qu'il concerne ici avant tout la matière sonore. Troisième facteur métabolique, enfin et ultime critère de notre répertoire, la complexité. Au-delà de ces connotations systémiques, le critère de complexité désigne l'enchevêtrement des niveaux hiérarchiques, la mixité de son technique et de son naturel, le mélange subtil de rythmes différents, ou encore la perception simultanée du formel et de l'informel, de la disjonction et de la conjonction, de la distinctibilité et de la cohésion d'ensemble d'une séquence sonore. On comprend donc finalement que ce critère ressaisit en grande partie la plupart des autres. Et l'écoute attentive de la dernière séquence que nous entendrons va nous permettre de retrouver la plupart des qualités que nous venons de nommer. C'est du coup l'un des paysages sonores les plus paysagés et les plus appréciés. Gageons que cela tienne à l'équilibre de ces qualités environnementales, médiales et paysagères. Et de fait, on peut l'écouter avec intérêt, l'ouïr avec plaisir ou l'entendre avec émerveillement. Le paysage sonore, alors, comble l'oreille analytique, l'oreille flottante et l'oreille esthétique.